cœur comme un crève-cœur, j'attendrai son nom. Cette heure désertique, sensible mais sensible. 6 heures entente mineure sur mes ennuis. 5 heures, par quel mystère, je crois qu'elle m'aime. On se fait si bien du mal, on fait si bien. On se fait si bien du mal. On se fait si bien du mal, on fait si bien. Je crois que ça devient animal. Pourquoi tu te fais la mal quand je te fais du bien? Quand tu fais du mal, tu reviens. Dis-moi si je te fais mal. Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Voici le genre de questions qui nous viennent à l'esprit quand on souffre. Mais imaginez alors quand vous avez choisi ça, quand vous savez très bien pourquoi vous êtes là et que vous avez mal, quand la douleur n'est pas subie, mais choisie. Avez-vous toujours aussi mal? Y a-t-il autant de souffrance? Y a-t-il même une forme de plaisir? Quand la douleur ne fait pas mal, et même du bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. On parle de la douleur comme quelque chose de péjoratif dans le monde de la course à pied ou de manière générale. De toute façon, la douleur, c'est quelque chose qu'il faut soigner, lutter, prendre des anti-inflammatoires, etc. Alors que je pense que c'est un exercice, en fait, comme un autre, la douleur. Et plus on s'entraîne à ça et plus on arrive à mieux le gérer. La gestion de la douleur, c'est le principe de base, c'est l'accepter. C'est-à-dire savoir que de toute façon, on va avoir mal. On ne sait pas comment, mais on sait qu'on va avoir mal de A à Z. On va avoir mal après aussi. On va avoir mal tout le temps, quoi. C'est un peu comme l'accouchement où vous avez des douleurs, etc. Et quand vous arrivez, c'est terminé, quoi. On oublie. Et ça permet de repartir pour une autre course parce que j'ai complètement oublié ce qui s'était passé. Du coup, je peux en programmer une autre. Alors que quand je suis dedans, il m'arrive de me dire que plus jamais, quoi. Je me demande souvent qu'est-ce que je fais là. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai pris ce départ? Mais pourquoi? Bonjour, David Le Breton. Bonjour Géraldine. Vous avez entendu ces archives de coureurs qui apparemment aiment se faire du mal ou du moins pratiquent la douleur, alors que pour ma part, la douleur c'est plutôt quelque chose que je fuis. Comment on peut expliquer ça? Alors, pour répondre à votre question, autorisez-moi une sorte de détour, hein, comme les aiment bien les anthropologues, pour dépayser en quelque sorte des notions qui nous sont trop familières et qu'on utilise un petit peu comme des passe-partout. C'est d'ailleurs un peu ce que dénonce ce jeune coureur qui dit on a toujours une vision péjorative de la douleur, alors que c'est vrai qu'il faudrait ouvrir davantage sur les significations qui sont les siennes. Alors pour moi, la douleur n'est pas la seule traduction dans la conscience d'une effraction organique. Elle mêle à la fois le corps et le sens. Donc on pourrait dire elle est à la fois somatisation et sémantisation. C'est la manière, pour ma part, dont j'essaie d'éviter la notion de psychosomatique qui me paraît toujours un peu trop dualiste. Donc soma, le corps en grec, séma, le sens. Et donc la douleur, en quelque sorte, ou plus exactement la souffrance dans mon vocabulaire, c'est une sorte d'incarnation du sens, du sens vécu donc évidemment par le sujet. Je dirais aussi donc que la douleur touche une personne qui est insérée dans un contexte social, culturel, affectif. C'est toujours la souffrance est aussi liée à une histoire de vie. Hein, elle touche un homme ou une femme ou un enfant ou une personne âgée qui a déjà toute une histoire qui va être une sorte de prisme dans le ressenti de la douleur. Donc ce n'est pas le corps qui souffre, mais c'est bien l'individu en son entier. Et en ce sens, je peux évoquer par exemple Georges Canguilhem, qui a beaucoup commenté René Lauriche, qui a été l'un des grands chirurgiens de la douleur dans les années 30-40. Et c'est dans Le Normal et le Pathologique, il y a des réflexions très très fortes de Canguilhem et qui sont très surprenantes au regard du sens commun. Il y a notamment cette phrase où René Lauriche dit « L'homme fait sa douleur comme il fait une maladie ou comme il fait un deuil, bien plutôt qu'il ne la reçoit ou la subit. » Vous voyez, hein, cette comparaison avec le deuil est tout à fait surprenante, mais elle montre bien que pour un médecin et un philosophe comme Canguilhem, la douleur n'est pas uniquement un phénomène neurophysiologique qui va induire forcément le même ressenti pour tout le monde. Il y a quelque part donc cette espèce d'épaisseur du sens qui fait que la douleur va être ressentie avec une souffrance plus ou moins grande. David Le Breton, vous êtes anthropologue, vous l'avez dit, vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, membre senior de l'Institut universitaire de France, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la douleur, hein. Vous parlez bien de douleur d'ailleurs et pas de souffrance, hein. C'est le titre de vos livres. Il y a Anthropologie de la douleur, qui est paru en 95, Expérience de la douleur entre destruction et renaissance, et puis aussi Tenir, douleur chronique et réinvention de soi. Donc votre perspective, si on la suit bien, c'est vraiment de ne pas s'en tenir, on va dire, au mal physique que pourrait soigner un médecin, et encore, en tout cas, ça n'est pas qu'une douleur locale qui touche uniquement un système nerveux, mais ça engage en fait tout un individu, mais même plus que ça, en fait, un individu pris dans une trame sociale. Oui, voilà. Donc, pour moi, voir la douleur uniquement sous son angle somatique, entre guillemets, ce serait une erreur de perception. Je pense qu'il n'y a pas de douleur sans souffrance, c'est-à-dire donc sans résonance morale. Et j'ai toujours un peu dénoncé ce dualisme qui opposerait la douleur physique, entre guillemets, à la souffrance morale, entre guillemets, comme si nous étions, en tant que personne, une sorte de collage un peu surréaliste, avec d'un côté notre corps, d'un autre côté notre esprit. Mais non, le problème de la douleur, c'est justement qu'elle retentit sur notre vie personnelle. La douleur, le mal de dent, la dent cariée par exemple, le mal ne reste pas à l'intérieur de la dent, il déborde absolument notre vie personnelle, il va complètement bouleverser notre sentiment de soi, c'est l'identité qui est aussi fracturée par cette douleur. Donc on ne peut pas penser la douleur uniquement en termes physiques, il faut la penser, enfin il faut faire un peu, faut interroger plutôt ce dualisme qui nous dit il y a la douleur physique et la souffrance morale. Moi, mon idée, c'est que dans toute douleur, vous avez une résonance en termes de souffrance qui est plus ou moins grande. Pour le dire autrement, douleur, c'est le vocabulaire du médecin, souffrance, c'est le vocabulaire du patient, ou alors c'est le vocabulaire du sportif de l'extrême, etc., qui va dire j'ai plus ou moins mal, etc. Vous voyez, faut se méfier de ce terme douleur qui est trop univoque et qui renvoie trop à l'idée d'une fracture de soi, alors qu'il y a en effet d'autres déclinaisons de la souffrance, c'est-à-dire ce qui est ressenti concrètement par l'individu, qui peut faire que la douleur est parfaitement tolérable, elle est acceptée, etc. Est-ce qu'il existe donc des douleurs sans souffrance et inversement des souffrances sans douleur ? Ben, je dirais plus exactement qu'il y a des douleurs dont la souffrance est plus ou moins grande. Et là, effectivement, on entre dans la problématique de l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire quand on choisit la douleur ou quand elle est consentie, c'est plutôt ça d'ailleurs qui se passe, eh bien dans ce cas-là, quand vous interrogez les personnes, comme c'est mon travail d'anthropologue, quand vous les interrogez, les personnes vont vous dire « oui, ça fait mal, mais enfin, un peu comme les témoignages que vous avez recueillis, ça fait mal, mais enfin, je supporte, c'est bien, voilà ». Et même, vous allez en avoir un certain nombre de ces athlètes, par exemple, qui vont vous dire, mais de toute façon, sans la douleur, si ça ne me faisait pas mal, ça ne m'intéresserait absolument pas. Alors, je me rappelle d'un coureur de l'extrême, d'un coureur de course ultra, donc courir plusieurs centaines de kilomètres, qui me disait, mais si ça ne faisait pas mal, tout le monde voudrait faire ça. Et ça n'aurait plus aucun intérêt. C'est même une forme de sélection, un privilège d'avoir de la douleur. Tout à fait. Une forme d'excellence, une manière de tenir le coup, d'avoir une force intérieure qui permet donc d'aller, de se rentrer dedans, entre guillemets, pour utiliser un vocabulaire qui est celui notamment des entraîneurs sportifs. Qu'est-ce que c'est que l'entraînement pour un athlète de bon niveau? C'est par exemple d'enchaîner d'innombrables longueurs de bassin, d'innombrables tours de piste, etc. Donc c'est se faire mal. Mais en même temps, c'est évidemment pour repousser le moment où la souffrance apparaît et où il y a quelque chose d'intolérable dans l'expérience. Donc l'athlète, de manière presque expérimentale, repousse en quelque sorte les limites de la souffrance. Il reste dans la douleur, et si jamais dans la compétition la souffrance apparaît, c'est là où il va s'effondrer sur la piste. Mais vous avez aussi, je pense que c'est intéressant pour justement problématiser davantage cette idée de d'une douleur consentie ou choisie qui ferait moins mal. Vous avez d'autres figures en quelque sorte de la douleur qui sont extrêmement prégnantes dans le monde d'aujourd'hui. Regardez ce paradoxe du recours à la douleur contre la souffrance. Alors, pardonnez-moi un instant ce vocabulaire un peu dualiste, je le retraduis. Le recours au corps, le recours aux scarifications, le recours aux attaques au corps pour conjurer des souffrances de vie, comme l'inceste, les abus sexuels, etc. Et vous savez que les scarifications, les attaques au corps sont extrêmement nombreuses dans le monde d'aujourd'hui. Quand vous interrogez des adolescentes à ce propos, elles vont vous dire « oui, donc je me fais mal ». C'est plutôt des profils féminins, vous dites des adolescentes. Oui, parce qu'il y a moins de garçons, mais les garçons peuvent être aussi touchés. Mais vous avez raison, il y a une dimension très genrée des conduites à risque de nos jeunes. Et là, les scarifications sont, dans l'immense majorité, plutôt des comportements d'adolescentes, voire de femmes. Mais c'est beaucoup plus rare que les attaques au corps demeurent dans la maturité. Mm-hmm. Et donc, quand vous interrogez une ado qui se scarifie, elle va vous répondre le plus souvent « je me fais mal, mais pour avoir moins mal ». Je me rappelle aussi d'une adolescente qui m'avait dit « je me fais mal à mon corps pour avoir moins mal à mon cœur ». Une phrase absolument fulgurante, mais qui dit de manière formidable cette ambivalence, ce paradoxe de la douleur qui peut devenir, dans un contexte très spécifique, une forme de guérison, une forme de remède contre une souffrance de vie qui est absolument écrasante. Par exemple, la remémoration de l'inceste, d'un abus sexuel, de maltraitance, d'un manque d'amour. Parfois, ce sont des raisons qui nous paraissent, à nos yeux d'adultes, plus légère, hein, des peines de cœur, etc., etc. Et puis, pour continuer rapidement cette balade, vous avez le contraire, c'est la clinique des personnes sans abri. Mmh. Et là, les médecins qui travaillent avec ces personnes vous disent qu'ils sont parfois sidérés de voir des personnes à la rue qui ont des fractures, qui ont des problèmes dermatologiques partout, qui ont des dents cariées, etc., et qui refusent absolument d'être soignés. Et je me souviens d'un homme qui avait un membre brisé et qui avait dit c'est mon corps, je m'en fiche, c'est ma jambe, c'est pas moi, etc. Cette forme de clivage en quelque c'est sorte. C'est mon corps, ce n'est pas moi. C'est mon corps, ce n'est pas moi, voilà. Alors qu'est-ce qui se joue là? Eh bien, on peut dire que c'est la souffrance de vie, là, qui anesthésie la possibilité de souffrir. Hein, nous avons affaire dans la clinique souvent, pas toujours évidemment, dans l'immense majorité des cas, les personnes à la rue veulent se faire soigner. Mais celles qui ne le veulent pas sont des personnes qui ont désinvesti en quelque sorte leur personne, qui ont dénarcissisé leur rapport à leur corps. Ils traînent leur corps finalement comme un autre que soi, et donc les altérations organiques ne les touchent absolument pas. Et donc ils ne ressentent plus la douleur, ou plus exactement, ils ne ressentent plus la souffrance, ils s'en fichent. Mais si vous les prenez en charge à l'hôpital, finalement vous avez réussi à les convaincre d'être soignés. Au fil des jours, du fait de l'amitié qu'ils reçoivent, de l'amour qu'ils reçoivent, de l'attention, de l'accompagnement, etc., au bout de quelques jours, vous allez voir, ils vont vous dire « j'ai mal ». Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils réinvestissent du coup leur existence, ils se sentent à nouveau valables dans les yeux des autres. Et à ce moment-là, donc, effectivement, ils reviennent à eux, ils retrouvent leur personne, en quelque sorte, et ils réinvestissent leur corps, ils renarcissisent leur corps, et ils deviennent finalement des hommes ou des femmes comme nous. Pourquoi avons-nous mal? C'est parce que finalement, nous aimons la vie, parce qu'on existe, voilà, tout à fait. Mais il y a des cas, donc, où effectivement, la souffrance peut être anesthésiée par des circonstances de la vie. Et il y a aussi un autre cas, où on retrouve cette dissociation entre la douleur et la souffrance. C'est le cas de la torture que vous abordez. Je vous propose, David Le Breton, d'écouter un extrait du procès Barbie par François Truffaut. C'est l'audience de Alice Jolie Van Sterberg qui date du 3 juin 1987 et qui raconte, écoutez bien le début, cette dissociation lorsqu'elle a été torturée. Je n'ai pas pu parler parce que si j'avais parlé, j'aurais fait prendre des gens. Et un quart d'heure après mon arrivée, je n'avais plus d'ongles. J'ai encore une petite fracture ici visible du pouce. Et c'est pas quelque chose de très douloureux parce que ça se passe au fond assez loin de votre corps, ça. Et je n'ai toujours rien dit. J'ai donc été abandonnée sur une chaise devant la grande table. J'y suis après qu'elle servait à la torture de la bastonnade. Et c'est là que j'ai bien connu Barbie. Car il est venu s'asseoir juste en face de moi. Et à un moment donné, il s'est retourné vers moi, il a discuté un peu avec Schmitt, probablement en se disant « qu'est-ce qu'elle fait là ? Il faut s'en débarrasser. Allez, vas-y, pour un interrogatoire probablement un peu plus musclé. » À ce moment-là, Schmitt s'est jeté sur moi, m'a dégrafé mon corsage, il a fait glisser ma jupe, il a fait glisser ma combinaison, et je suis restée en slip et en soutien-gorge, et on m'a étendue sur cette fameuse grande table. Ils étaient une demi-douzaine autour de moi, dont Barbie, qui m'a même tenu à un moment donné le poignet droit pour que je sois bien en position favorable à la bastonnade. Et j'ai reçu des coups avec un système de fléau entre le clout de Schmitt et un ceinturon manipulé par un autre. Je ne veux pas m'étendre davantage sur les histoires de torture, c'est pas ça que je suis venu dire ici. Quand je suis entrée dans la résistance, et je pense que la défense acceptera ce que je suis en train de dire. Tous les gens qui font de la résistance, tous les gens qui sont dans une armée irrégulière, contre une armée régulière, savent les risques qu'ils courent et doivent les assumer. C'était donc la voix très forte, les mots très forts d'Alice Jolie Vanserberg dans le documentaire, non pas de François Truffaut, pardon, mais de Philippe Truffaut, donc qui s'appelle le procès Barbie, qui a donc filmé les audiences de ce procès. Et on entend ce témoignage, David Le Breton, où elle dit au tout début, en fait, le corps est loin, c'est pas très grave. Et on voit bien effectivement que la douleur est ici, on peut dire, non pas loin d'être choisie, mais du moins, en fait, comprise, amoindrie, parce que elle y met tout de suite, elle l'inscrit tout de suite dans une trame beaucoup plus grande, qui est celle de dire, en fait, j'étais résistante, et ça fait partie, en fait, de la résistance que d'envisager cette douleur-là. Oui, ce témoignage bouleversant rappelle effectivement que la douleur est toujours imprégnée de sens, c'est-à-dire de souffrance, et qu'il y a moyen, dans certains cas, en tous les cas, d'intervenir sur cette dimension du sens qui va potentialiser l'intensité de la souffrance. Alors que fait cette femme, finalement, à travers cette dissociation entre elle et son corps ? Elle construit une sorte de bouclier de sens, ce que j'ai nommé un bouclier de sens, qui fait que les bourreaux ne cessent de se heurter à une sorte de mur invisible et que la personne torturée est protégée d'une certaine manière. Elle ne va pas dénoncer ses compagnes de combat. Et je crois que cette femme, mais comme dans beaucoup d'autres témoignages que j'ai pu lire ou recueillir, il y a ce sentiment que de dénoncer les amis, dénoncer les compagnons de lutte, c'est ajouter à cette espèce de domino de jeu de l'horreur qui fait que si vous dénoncez quelqu'un, cette personne risque à son tour d'en dénoncer d'autres, etc. Et puis un jour, peut-être, vous vous retrouverez dans les rues de Paris, mais, ou de Buenos Aires, ou de Montevideo, et vous allez rencontrer peut-être le père, le compagnon, la compagne d'une personne que vous avez envoyée à la torture et à la mort. Le pire, peut-être, alors, c'est bien ça, c'est beaucoup moins de ressentir la douleur, enfin, cette espèce de cruauté morbide, cette inventivité morbide des bourreaux, c'est peu de choses, si je peux dire les choses comme ça, évidemment, peu de choses au regard de l'immense souffrance que serait le fait de dénoncer et donc de participer à ce mouvement d'horreur qui va briser complètement, qui a brisé d'ailleurs des pays comme le Chili, l'Argentine, l'Uruguay et d'autres. Donc c'est l'idée quand même de faire une hiérarchie en fait entre les douleurs, c'est-à-dire de dire il vaut mieux que je souffre maintenant. Plutôt que d'engager une souffrance en fait qui va être beaucoup plus longue, beaucoup plus vaste et qui va toucher d'autres personnes que moi. Oui, vous avez raison, mais c'est tout à fait intuitif, évidemment. Je ne pense pas, en aucun cas que la personne se dit « je vais utiliser ça », etc. Non, ça coule de source, d'une certaine manière, du fait d'une espèce de nécessité morale, de responsabilité fondamentale envers les autres. Il y a le sentiment qu'il vaut mieux prendre sur soi, en quelque sorte, plutôt que de détruire les autres, parce que je peux assumer les douleurs que je m'inflige. En revanche, je ne pourrais pas assumer le fait d'avoir été la cause de la torture murs et de la mort de gens qui me sont chers en plus. David Le Breton, je vous propose d'écouter un texte que vous nous avez recommandé, aussi un cas de torture, cette fois-ci de Carlos Liscano, extrait de son livre Le fourgon des fous, qui est interprété par Hélène Losseur. Le prisonnier tient le coup parce que le corps a une capacité de résistance infinie. Si son corps ne résiste pas, il meurt. Fin de la torture. Mais d'abord, corps est nécessaire que la capacité du corps à supporter la douleur. Il y a quelque chose qui fait que le prisonnier tient le coup. Ce n'est pas son idéologie. Ce ne sont même pas ses idées. Et ce n'est pas la même chose chez tous. Le torturé s'accroche à quelque chose qui est au-delà du rationnel, du formulable. Ce qui le soutient, c'est sa dignité. Ce n'est peut-être même pas la dignité du militant politique, mais une autre, plus primitive, faite de valeurs simples, apprises il ne sait pas quand, peut-être à la table de la cuisine de chez lui quand il était enfant, au travail, sur les bancs de l'école. Ce n'est pas une dignité abstraite, mais une dignité très spécifique. Celle de savoir qu'un jour, il devra regarder en face ses enfants, sa compagne, ses camarades, ses parents. Même pas autant de personnes. Il lui suffit de vouloir un jour se sentir digne devant une seule personne. C'est pour ces yeux-là qu'il résiste. C'est pour ce regard futur qu'il sombre dans sa propre misère et se réincorpore, crie, ment, veut mourir pour calmer sa douleur et veut vivre pour se rappeler un jour que même sous la torture, il a maintenu la dignité qu'on lui a enseignée. Se rappeler qu'il n'a jamais fait confiance à son tortionnaire, qu'il l'a haï, qu'il a senti qu'il était capable de le tuer de ses mains, de se baigner dans son sang, de le détruire jusqu'à ce qu'il ne reste même pas la poussière de ses os. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Le fourgon des fous, dont on vient d'entendre un extrait, est un ouvrage autobiographique dans lequel Carlos Liscano, condamné pour raison politique à 22 ans en Uruguay, raconte sa détention. Et dans l'extrait qu'on a entendu, David Le Breton, on entend ce principe auquel il se raccroche, quelque chose qu'il dit qui est au-delà du rationnel, au-delà du formulable, sa dignité. Comment on peut comprendre en fait cette douleur qui est en fait supportée parce qu'on l'inscrit en fait dans un sens, qu'on lui donne un sens, qu'on la comprend, qu'on la hiérarchise, qu'on la remet à la bonne place, et en même temps cette idée que pouvoir la supporter, c'est quand même au-delà du rationnel et du formulable. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que d'un côté il y a quelque chose de l'ordre du sens et de l'autre de l'inexplicable. Oui, mais le sens ne passe pas forcément par une sorte de cogito cartésien. Évidemment, je pense que l'anthropologie du corps ne cesse de nous montrer que tout en nous est social, culturel, que tout en nous fait sens. Mais en même temps, c'est pas un sens qu'on peut forcément conscientiser, évidemment. Il y a quelque chose en nous qui nous échappe en permanence, mais qui en même temps pourrait trouver quelque part une signification à travers un travail que nous pourrions faire sur nous-mêmes. Et c'est exactement ce que fait Carlos Liscano en écrivant ce texte autobiographique. Il s'interroge sur les raisons de sa résistance face au bourreau, et il prend conscience qu'il a construit donc ce que j'appelle un bouclier de sens qui fait que les efforts de ses tortionnaires pour qu'il dénonce ses compagnons se sont toujours heurtés à l'impuissance. Donc Carlos Liscano a construit une sorte de narration intérieure il pensait en permanence à ça. Il est tout jeune, il a 22 ans, peut-être n'a-t-il pas encore de compagne, je crois qu'il n'avait pas de compagne, qui n'avait pas encore d'enfant, mais il imagine, il se projette dans le temps et il se dit « Mais si je dénonce mes amis, jamais plus je ne pourrai regarder en face mes enfants, ma compagne, et encore moins moi-même, finalement, dans le miroir. » Et donc, c'est une sorte de narration intérieure qui fait que le sujet reprend en main, il est dans une sorte, d'ailleurs, on pourrait dire, d'hypnose, je mets des guillemets, parce qu'évidemment, il faut un état second. c'est ça? Oui, non pas dans un état second. Il utilise finalement de manière volontaire ce que l'hypnose utilise à travers la médiation d'un dispositif. Mm-hmm. Hein, puisque et l'hypnose d'ailleurs est une illustration absolument saisissante de ce que la douleur, ou plus exactement la souffrance, c'est-à-dire le ressenti de la douleur, est toujours un effet de sens. Parce que là, dans l'hypnose, sans toucher le patient, par exemple, à travers un processus qui peut durer évidemment un certain nombre de séances, vous allez réussir, enfin l'hypnothérapeute peut réussir dans bon nombre de cas à amortir l'intensité de la souffrance, à la soulager. Et je pense là que dans le cas de Carlos Liscano, c'est un peu ça qui se passe. Il a trouvé une image intérieure qui lui permet de s'opposer avec une immense force à la c'est d'ailleurs exactement ce que décrivait tout à l'heure cette femme avec Barbie, mais c'est ce que décrivent également nombre de personnes, de résistants politiques par exemple, qui ont été torturés et qui n'ont jamais dénoncé personne. Cette espèce de clivage, ce recours à du sens qui permet de s'extraire en quelque sorte de la violence de la situation. Ce que je trouve frappant dans le texte de Carlos Liscano, c'est quand il dit, à la différence en fait de Alice Jolie Van Sterberg tout à l'heure, donc qu'on a entendu, qui était une résistante française et qui insiste en fait sur l'idée de résistance, c'est que lui, Carlos Liscano, nous dit ce n'est peut-être même pas la dignité du militant politique, mais une autre plus primitive faite de valeurs simples, apprises, il ne sait pas quand. Et alors j'aime beaucoup cette phrase, peut-être à la table de la cuisine de chez lui quand il était enfant. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en fait en nous qu'on ne choisit pas finalement, qui ne relève ni de la conscience ni de l'acte volontaire, qui fait que au moment de la douleur qui semble pourtant anéantir complètement nos facultés, va laisser quand même un espace, un temps en fait pour élaborer une sorte de recours. Et je suis fascinée en fait par ce qui se passe à ce moment-là en fait dans l'esprit d'une personne torturée ou prise d'une douleur telle qui a quand même l'espace mental pour se dire il y a quelque chose qui va me faire tenir. C'est là évidemment où vous retrouvez les histoires de vie, les biographies et l'éducation morale entre guillemets des personnes, comme le dit très très bien Carlos Liscano, qui fait que sans y réfléchir entre guillemets, de manière intuitive, d'une manière qui coule de source, finalement ils vont trouver les ressources intérieures pour résister au pire. Mais bien entendu, toutes les personnes, et c'est la tragédie évidemment de la torture, c'est que dans la majorité des cas, les hommes, les femmes s'effondrent et dénoncent leurs compagnons, même si après leur vie est totalement détruite, parce que même s'ils sortent indemnes entre guillemets de la prison, leur vie sera quand même extrêmement difficile à reprendre, quoi, parce que là, croisés, comme je le disais tout à l'heure, dans les rues de Montevideo, des parents, des enfants de ces victimes, c'est quelque chose d'absolument intolérable. C'est infiniment pire, sans doute, que, ben, en tous les cas pour beaucoup, j'imagine, beaucoup d'entre nous, c'est infiniment pire que la douleur physique entre guillemets qu'on aurait pu ressentir. Mais ce qui est frappant, c'est aussi cette idée que même en nous, en fait, il n'y a pas de choix qui se fait par rapport à cette douleur-là. C'est-à-dire que vous avez nuancé tout à l'heure, David Le Breton, vous avez parlé de consentement à la douleur. Donc ce consentement-là, il est même fait presque malgré nous, parce que cette force qui est trouvée en ceux qui survivent ne dépend presque pas d'eux, mais presque de quelque chose qui leur tombe dessus. On a l'impression que c'est presque là, en fait, que la dignité tombe sur la tête de Carlos Liscano pour le sauver. Oui, c'est pour ça qu'on peut dire d'ailleurs que toute douleur est forcément une souffrance et que donc elle est toujours imprégnée de sens. Même quand il ne s'agit pas de se dire je veux mettre un sens à ma douleur. Ça ne se passe jamais comme ça dans la vie. Une adolescente ne se dit pas tiens, je vais me scarifier parce que je suis vraiment malheureuse. Il y a une espèce de nécessité intérieure à un moment donné qui amène par exemple à l'anorexie, qui amène aux attaques au corps ou à d'autres choses de cet ordre-là, mais qui amène aussi une personne torturée à trouver quelque part une sorte d'échappée belle qui fait qu'ils ne sont plus là où les bourreaux les imaginent. On retrouve ça de manière beaucoup plus pas profane, mais un peu plus pas dérisoire non plus, c'est pas ça, mais dans la pratique sportive par exemple, on retrouve souvent ça. Par exemple, donc la construction d'un récit intérieur qui vous amène à déborder finalement les situations de peine, de souffrance dans lesquelles vous êtes, par exemple dans un marathon. Je donne simplement un exemple que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. J'ai fait beaucoup de courses à pied, de cross-country, etc. Je me rappelle d'un jour où j'avais été un peu malade, je n'avais pas voulu renoncer à la compétition, j'avais donc pris le départ sur une dizaine de kilomètres, et puis je me suis retrouvé dans les profondeurs du classement, très très mal, j'avais mal partout, je demandais vraiment ce que je faisais là, et en même temps je pensais au retour en quart plus tard avec les autres coureurs de mon club, et j'ai dit si... Voilà, il faut que je continue quand même. Si j'arrête, je vais vraiment passer pour un idiot. Et je me suis dit, je vois un arbre là-bas qui est une centaine de mètres devant moi. Je vais essayer de courir jusqu'à cet arbre. Et si j'y arrive, je verrai à ce moment-là ce que je fais. Donc, je me suis hypnotisé, entre guillemets, sur cet arbre. Je suis arrivé devant lui. Je me suis rendu compte finalement que j'avais repris en main mes perceptions. Et à ce moment-là, j'ai pu continuer à courir. J'ai remonté le classement, etc. Bon, je suis arrivé peut-être pas très bien en point, mais en tous les cas, je suis arrivé. C'est-à-dire que j'ai construit aussi un récit intérieur. Alors, ce qui est très important, et j'avais oublié de le dire, c'est que plus on se focalise sur sa douleur, et plus on a mal. Plus vous vous dites « j'ai mal », plus vous donnez de l'énergie à votre douleur. Donc, il faut trouver un système qui vous permette d'échapper à la situation, de trouver une astuce pour la mettre à distance, en quelque sorte. Et là, ça ne peut pas passer par les méthodes Coué. Vous ne pouvez pas vous dire « je vais penser à autre chose ». Ou quand nos amis ou nos proches nous disent « Écoute, arrête de penser toujours à ta migraine, pense à autre chose », ça n'a guère de sens, évidemment. Donc l'hypnose, par exemple, est une technique qui permet de donner des moyens de penser à autre chose, mais de manière extrêmement puissante, extrêmement forte. Tous ces récits intérieurs... qu'on a entendu de la part de Carlos Lizcano, de la part d'Alice ou de ce coureur, des coureurs qu'on a entendu au début de l'émission, ce sont justement des manières de construire du sens qui permet d'amortir, qui permet de juguler une part de la souffrance et qui permet finalement de continuer son chemin, voire s'agissant de la torture, de réussir à survivre avec dignité, entre guillemets, ou en tous les cas ce que Carlos Lizcano appelle la dignité. On est toujours dans le sens, vous voyez. Mais ce n'est en aucun cas un sens au sens cartésien, au sens du cogito. Notre condition humaine, elle se trame dans une épaisseur prodigieuse de signification dont la plupart nous échappe, dont la psychanalyse, évidemment, on peut dire, a fait aussi une espèce de cartographie relative, parce que je pense qu'il n'y a pas uniquement que l'inconscient au sens freudien qui joue dans notre rapport au monde, dans notre rapport aux émotions, dans notre rapport aux perceptions sensorielles ou dans notre rapport à la douleur. Il y a plein de choses qui nous échappent, mais en même temps qui ont du sens. Quand on creuse, quand on essaie de comprendre, je ne crois pas véritablement à l'irréductible dans la condition humaine. Dans votre récit personnel, David Le Breton, sur cette course, vous avez parlé de deux choses qui semblent quand même importantes. C'est d'une part la douleur qui est vécue comme une épreuve nécessaire. En fait, ça fait partie, on l'a entendu, du plaisir aussi de la course. Une bonne course n'est pas satisfaisante si elle n'implique pas une forme de douleur et de dépassement d'épreuves. Mais vous avez aussi parlé du regard des autres. Et j'aimerais qu'on écoute une archive de l'anthropologue ethnologue Alfred Metro qui parle justement de cette dimension culturelle et sociale de la douleur. Nous voyons chez les Indiens de la Guyane l'usage constant de la douleur comme un moyen d'obtenir habileté à la chasse, bonne chance et prospérité. Ainsi, les chasseurs, avant de quitter le village, s'appliquent sur la peau des nattes, dans les interstices desquels on sent insérer des fourmis ou des guêpes qui provoquent des douleurs telles que les guerriers les plus braves, généralement, s'évanouissent. Cependant, on ne manque jamais de se livrer à ce supplice, à ce tourment, avant de partir à la chasse. D'autres se frottent les yeux avec du piment, ce qui provoque des douleurs absolument épouvantables. C'est donc la douleur qui est destinée à procurer la chance. Elle a donc une valeur magique, une valeur religieuse. Parfois, cette douleur a une valeur de sacrifice. Par exemple, dans le cas des Indiens d'Amérique du Nord qui s'arrachent une phalange du doigt, on les cherche à exciter la pitié de l'esprit gardien. d'autre part dans ces danses du soleil où les participants s'accrochent à des arbres par moyen de leur peau. Et également, il s'agit d'appuyer l'être suprême. Et d'autre part, je crois qu'inconsciemment, il y a la notion d'endurcissement, la notion de purification qui doit jouer un certain rôle. Magique, religieux, sacrificiel, endurcissement, voici un petit peu les adjectifs accolés à la douleur par Alfred Métraux dans cette archive du 3 avril 1963. Je signale que cette archive, d'ailleurs, en fait, est comprise dans une série d'émissions animées par Michel Foucault pour parler de la douleur, dans lesquelles on a pu puiser allègrement cette semaine. Et donc, cette archive d'Alfred Métraux est vraiment frappante, David Le Breton, parce qu'elle nous montre la dimension culturelle, mais presque honorifique de la douleur. En passer par la douleur nous valide en fait dans le groupe. C'est un petit peu comme les rites de virilité par exemple. Exactement. Mais il s'agit finalement pas tant de souffrance au sens de quelque chose qui nous écraserait. Il s'agit, à mon avis, là aussi, d'une douleur, d'une souffrance à minima, entre guillemets, dans la mesure où elle est consentie. Et Alfred Métraux cite notamment les Sioux, hein, les Indiens mandants. Et je me souviens du texte de Kathleen, le grand peintre Kathleen, hein, du 19e, qui parcourt qui rencontre les Indiens des plaines et qui assiste un jour à un rite d'initiation, parce que finalement ce que n'a pas le temps de dire Alfred Métraux, c'est que effectivement la douleur est toujours présente, presque toujours présente dans les rites de passage, dans les rites d'initiation dans les sociétés traditionnelles. Et George Kathleen a la chance d'assister à un rite de passage comme ça chez les Indiens mandants, et c'est un rite qui nous paraît à nos yeux aujourd'hui absolument terrifiant d'une certaine manière, puisque les jeunes vont avoir des morceaux de bois qui vont transpercer leur chair, ils vont être hissés au sommet de la case d'initiation, on va les faire tournoyer jusqu'à ce que les cordes se brisent. J'ai oublié de dire d'ailleurs qu'il y a aussi des crânes de bison qui pendent dans leur dos, etc. Donc ils sont écartelés finalement avec une peau extraordinairement distendue. Et Kathleen est là et regarde ça. Et il est bouleversé. Et il a un échange de regards avec l'un de ces jeunes Indiens. Mmh. Et il voit que l'Indien sourit. Et il est stupéfait. Dans la souffrance. Oui, absolument. Mais parce qu'il n'est pas dans la souffrance. Oui. Il est dans la jubilation de montrer à sa communauté qu'il est à la hauteur, qu'il est un homme, un vrai, qu'il va pouvoir se battre. Parce que là, on est quand même à l'époque du Far West. Et il faudra effectivement que sa communauté sache se défendre contre les agressions extérieures. Ce qui veut dire qu'il y a une manière là, ici, en fait, plus que de dépasser la douleur, c'est-à-dire de l'amoindrir, comme dans les témoignages qu'on a eus auparavant, notamment sur la torture, il y a l'idée ici presque de l'embrasser, cette douleur, au point en fait de la transfigurer. Exactement, et c'est exactement ce que recherchent nos jeunes, les personnes qui font des pratiques de suspension dans nos sociétés contemporaines. Alors qu'est-ce que c'est les pratiques de suspension ? Alors les pratiques de suspension, ça veut dire avoir des barres de métal, des griffes de métal plutôt, qui sont dans le corps, qui sont fichées sur la peau. Ça peut être à l'horizontale ou à la verticale, et puis vous êtes hissé dans l'espace à quelques mètres du sol, donc votre peau est prodigieusement distendue, et les personnes qui sont dans cette démarche entendent vivre ce que je nommerais un rite individuel de passage, hein, une sorte de passage initiatique, mais strictement, qui n'est pas du tout encadré véritablement par le lien social, hormis à l'intérieur de ces groupes, hein, notamment les gens qui sont dans les modifications corporelles. Et donc ils vont vivre ils sont à la recherche d'une vision, d'ailleurs un peu comme les Indiens mandants, ils sont à la recherche d'une espèce de transe à travers la douleur, mais pas la souffrance, hein, entendons-nous bien. Pas du tout à travers la souffrance, à travers cette espèce de turbulence incroyable qui agite leur corps, ils vont en effet transfigurer leur expérience pour en faire quelque chose d'intense qui peut avoir des incidences, qui peut changer leur vie. Le paradoxe, c'est de bouleverser son corps, en fait, pour, si je vous écoute bien, David Le Breton, pour se réapproprier, en fait, son corps, mais aussi une forme d'intimité d'individualité. C'est-à-dire finalement, on se traverse le corps, on se l'étire, je ne sais pas quel autre terme employer, mais pour en fait lui donner une consistance individuelle et unique. Oui, voilà. Là, en ce sens, c'est très différent, évidemment, des Indiens mandants et des sociétés traditionnelles, parce que là, c'est la communauté qui vous entoure. Hein. On est dans un nous autres, alors que dans les pratiques de suspension de nos sociétés, vous êtes entouré d'une poignée d'amis, voilà. Et puis, c'est une démarche, en effet, extrêmement personnelle, intime. Mais il ne s'agit en aucun cas. Faut combattre évidemment ces espèces de lieux communs qui diraient mais ils sont masos, etc. Ça n'a aucun sens évidemment. Parce qu'ils ne ressentent absolument pas la souffrance. Et une anecdote à ce propos que j'aime énormément, parce qu'elle a été un beau moment de ma carrière d'une certaine manière. Il y a une vingtaine d'années, peut-être, j'avais été invité par l'un de mes amis qui s'appelle Luca Spira, qui est très connu, Luca, parce qu'il fait des performances à travers le monde et notamment des suspensions. Et Luca avait présenté à un public, c'était à Avignon, avait présenté un certain nombre de films, de vidéos, où on voyait effectivement ses pratiques avec ses peaux distendues, etc. Et puis ces visages qui semblaient un peu en extase. Et je me souviens qu'évidemment, le public était en émoi et se disait, mais c'est pas possible que ça ne vous fasse pas mal. C'est un peu... Et à ce moment-là, Lucas s'est retourné vers moi et il y a eu cette phrase qui m'a bouleversé. Il m'a dit, non, c'est exactement ce que dit David. Je sens très bien la douleur, mais pas du tout la souffrance. Voilà. Et c'est là où on retrouve d'ailleurs cette dissociation, mais aussi cette idée que là, pour le coup, le travail sur le corps est presque là. C'est plus un travail sur le corps, mais aussi sur soi, c'est-à-dire en fait c'est une manière un peu de faire de son corps une œuvre d'art. On serait presque dans des pratiques comme le tatouage ou de la part d'artiste dans le body art. Oui, évidemment, mais il faut rappeler que nous sommes notre corps. Donc, quand la langue française nous dit le corps, etc., c'est en même temps totalement abstrait, parce qu'il y a beaucoup de sociétés humaines qui ignorent la notion de corps ou qui ont des représentations de la chair, pour parler comme Merleau-Ponty, qui n'ont absolument rien à voir avec l'anatomophysiologie, par exemple. Donc, il s'agit en effet de se changer soi à travers une médiation par le corps, entre guillemets, mais c'est parce que nous sommes notre corps, nous ne sommes pas autre chose que notre corps, la matière de notre existence, c'est cette projection de la chair dans le monde avec nos perceptions sensorielles, nos émotions, etc. Ce que la douleur en fait permet de ressaisir, loin d'être fondée sur une dissociation corps-esprit, bien au contraire, en fait, elle affirme cette unification. Absolument. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que les adolescents, dans les conduites à risque, recourent énormément à la douleur, parce que c'est un moyen de se sentir vivant, de se sentir réel. On peut dire, d'ailleurs, c'est cet écrivain suisse Fritz Zorn qui avait cette formule extraordinaire. Il disait « là où j'ai mal, c'est là où je suis hein. ». Là où j'ai mal, c'est là où je suis, c'est-à-dire là où la douleur vous permet donc de revenir à vous, de vous sentir à nouveau présent dans votre existence. Et on comprend que dans certains contextes de souffrance de vie, par exemple, eh bien, on puisse se faire mal pour revenir à soi. Et là, on n'est absolument pas dans des trucs, dans le sens commun, maso, entre guillemets. Ce sont des jugements de valeur qui sont péjoratifs, qui dénigrent ces démarches, qui ont un sens éminent, qui relève d'une anthropologique. Il y a une logique de l'anthropos, il y a une logique de condition humaine qui s'y exprime, qui est d'une très très grande efficacité et qu'il ne faut pas juger de l'extérieur. Donc surtout ne pas faire des sortes de clichés, en fait, justement sur ce rapport à la douleur, en disant... Finalement, on va étiqueter ça derrière du masochisme, c'est facile à comprendre, on transforme la douleur en plaisir et on réduit ça à des pratiques sexuelles et marginales, c'est ça ? Oui, voilà, tout à fait. Parce que le masochisme, c'est aussi une manière d'érotiser la douleur, mais qui aboutit à l'orgasme, et à travers des pratiques, à travers des ritualisations qui sont extrêmement précises. C'est-à-dire une personne adepte du masochisme qui se fait tabasser dans un bois va souffrir autant que nous, parce que là, elle n'est pas dans son rituel. Elle va avoir mal, alors que quand elle est dans son contexte, dans sa ritualisation avec éventuellement d'autres personnes qui la tabassent, qui la scarifient, qui lui font d'autres formes d'exactions, là, elle va finir par aboutir à l'orgasme. Donc, vous voyez, quand on dit c'est une personne maso parce qu'elle court tout le temps ou je sais pas quoi, ça n'a pas énormément de sens, parce qu'il faut plutôt interroger quelle est la signification de la pratique du marathon, par exemple, pour cet homme ou pour cette femme, ou pourquoi le tatouage, pourquoi, par exemple, des pratiques de tatouage avec des grosses pièces, où il va falloir effectivement assurer assumer une certaine forme de douleur, parce que ça, le tatouage, ça fait mal. Et quand ça dure pendant des heures et des heures sur une grosse pièce, ben, il faut avoir une forme de résistance. Il faut construire un scénario intérieur qui vous permet de supporter ces circonstances. Mais la personne qui sort avec son tatouage, elle est fière, elle est heureuse. Elle n'a pas du tout éprouvé un plaisir à la douleur, pas du tout. Simplement, c'était le prix à payer, on pourrait dire, un peu, on pourrait dire le sacrifice à consentir, le prix à payer en tous les cas pour la beauté de ce tatouage, pour vivre cette expérience de marathon, pour escalader ce 8000 en plein hiver dans des conditions extrêmement dures. Voilà, s'il n'y avait pas la médiation de la douleur, je pense que dans beaucoup de ces pratiques, elle n'aurait plus beaucoup d'intérêt pour les adeptes. D'ailleurs, si vous regardez la littérature de l'alpinisme, qui est parfois une très grande littérature, très très rares sont les alpinistes qui vous décrivent des expéditions où il n'y a eu aucun problème, où ils ont escaladé un 8000 vraiment dans des conditions absolument idéales. Ils vont plutôt écrire des livres entiers sur la difficulté, le combat contre la paroi, contre le froid, contre les pierres qui tombaient, la météo qui était terrible, le épuisement intérieur, les doutes qu'ils avaient de pouvoir redescendre, parce qu'il suffit pas de monter un 8000, il faut encore redescendre après, etc. Et ce qui fait, nous, notre lecture de extérieure, quand on lit en tous les cas ces témoignages, on est bouleversé par ça, de voir des hommes ou des femmes qui vont absolument au bout d'eux-mêmes, mais qui maintiennent un contrôle en tous les cas sur leur expérience. Et l'alpiniste ne s'y trompe pas en nous démontrant finalement son excellence. C'est-à-dire, il a été capable d'aller au bout en dépit de circonstances absolument effroyables. Tous les éléments étaient ligués contre lui, mais il a tenu le coup, il est allé au bout, il a réussi, etc. Et ça donne un beau livre, ça donne une belle émotion. Parfois, évidemment, il y a la mort au bout, mais là, c'est aussi l'alpinisme n'est pas une pratique simple, évidemment. Dernier témoignage, de douleur qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a entendu jusque-là. Je voyais près de moi un ange, à ma gauche, sous une forme corporelle qu'il ne m'arrive de voir que très rarement. Il n'était pas grand, mais plutôt petit, d'une grande beauté. Son visage très enflammé paraissait indiquer qu'il était l'un des plus élevés qui semble tout embrasé. Je voyais dans ses mains un long dard en or dont la pointe de fer portait, je crois, un peu de feu. Parfois, il me semblait qu'il me l'enfonçait dans le cœur plusieurs fois et qu'il m'atteignait jusqu'aux entrailles. Lorsqu'il le retirait, on eût dit qu'il me les arrachait, me laissant tout embrasé d'un grand amour de Dieu. La douleur était si vive qu'elle me faisait pousser des plaintes, et la douceur qu'elle me procure est si extrême qu'on ne saurait désirer qu'elle cesse, et l'âme ne peut se contenter de rien moins que de Dieu. Ce n'est pas une douleur corporelle, mais spirituelle, bien que le corps ne manque pas d'y participer un peu, et même beaucoup. Ce sont de si doux échanges entre l'âme et Dieu que je le supplie de bien vouloir les faire goûter dans sa bonté à quiconque penserait que je mens. Thérèse Davila raconte ici le livre de la vie, livre 29, sa transverbération, soit ce phénomène mystique qui désigne le transpercement spirituel du cœur par un trait enflammé. Et elle dit bien, on l'a entendu interpréter par Hélène Losseur, elle dit bien, ce n'est pas une douleur corporelle, mais spirituelle, bien que le corps ne manque pas d'y participer un peu et même beaucoup. Alors c'est une toute autre douleur à laquelle nous n'avons pas encore eu affaire, qu'on n'a pas encore abordé, David Le Breton. Oui. C'est la douleur, effectivement, presque transcendante en fait, plus que spirituelle, on dirait transcendante religieuse. Oui, c'est qu'est-ce qui se passe chez Thérèse? Elle a le sentiment qu'elle se rapproche de la souffrance de Jésus, et en même temps, donc elle sublime en quelque sorte sa souffrance. Elle la métaphorise à travers cette image d'ailleurs très sexuelle, hein, qui faisait sourire Lacan, qui citait d'ailleurs la fameuse statue du Bernin à Rome, où on voit le visage de Thérèse qui est absolument en pleine extase, comme dans une relation sexuelle, véritablement. Donc On pourrait dire que Thérèse immerge son rapport à la douleur, là, à travers ce fantasme qu'elle a, mais aussi à travers les pratiques dolorifiques qu'elle s'infligeait. Elle sublime la souffrance possible, en tous les cas, en faisant de sa douleur un don au Christ, qui l'amène donc à ressentir plutôt de la suavité, de la jouissance, etc. On n'est donc en aucun cas dans la souffrance. Et les mystiques ne souffraient absolument pas, de mon point de vue. Ils étaient dans cet émerveillement, finalement, de se rapprocher de Jésus. Et pourtant, il y a quand même dans la chrétienté l'idée quand même de souffrance et d'épreuve, de pénitence, en fait, qui, à travers lequel, en fait, le corps va se renouveler, va se purifier, va être pardonné. Ce qui pose aussi la question, par rapport à ce qu'on a dit depuis le début de cette émission, David Le Breton, de ce rapport à soi-même, c'est-à-dire non pas dans la dissociation, mais ici dans la réunion de soi. Mais quel est ce soi qu'on atteint ici à travers cette douleur-là? C'est-à-dire que là, il y a presque une dépersonnalisation de Thérèse à laquelle on assiste. La douleur ne la fait pas advenir elle-même. C'est-à-dire que ça la fait être une autre personne qu'elle-même. Ben, je dirais dans un vocabulaire plus contemporain que finalement elle est dans une sorte d'antalgie, qu'elle a trouvé un antalgique symbolique à travers cette image de l'ange, enfin tout cet enrobage chrétien qui l'amène donc à ressentir sa douleur, non pas sous les auspices de la souffrance, mais sous les auspices d'une jouissance intérieure. Voilà, c'est ni plus ni moins aussi ce que nous dit Blaise Pascal dans sa prière pour le bon usage de la maladie. Ce qu'on dit énormément d'écrivains catholiques également, c'est-à-dire le fait d'avoir mal, c'est se rapprocher de Jésus. Et dans ce cas-là, vous avez forcément une sorte d'antalgique, parce que c'est formidable si on est croyant de se rapprocher de Jésus, des souffrances de Jésus sur la croix. Et là non plus, il n'y a pas à juger, parce que j'ai souvent entendu dans mes conférences, dans mes interventions, des gens trouver que c'était ridicule, etc. Mais ce sont des jugements de valeur qui sont odieux d'une certaine manière, parce qu'une personne qui est croyante, effectivement, il est logique. Il est anthropologique qu'elle sublime le sentiment de sa souffrance et qu'elle recherche même les douleurs. Mais encore une fois, comme Thérèse, les personnes qui recherchent la douleur ne vont pas forcément ressentir de la souffrance. Ils vont ressentir un sentiment d'existence, un sentiment de rapprochement avec leur divinité. Merci beaucoup David Le Breton, j'étais ravie de cette émission avec vous pour bien préciser ce qu'il fallait entendre par douleur, surtout ne pas la réduire à la souffrance ni au masochisme, et puis sur son lien aussi avec l'existence. Pour prolonger vos réflexions, vous pouvez lire « Anthropologie de la douleur »,« Expérience de la douleur entre destruction et renaissance »,« Tenir douleur chronique et réinvention de soi ». Tous ces ouvrages sont parus aux éditions du Métellier. Et puis vous avez aussi écrit avec Guy Simonet et Bernard Laurent, L'homme douloureux, et ça s'est paru aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la souffrance qui me donne dépasser. Tirez-moi les cheveux, faites-moi pleurer. Je vous en prie, ne me parlez plus. Faut m'enterrer, me laisser tout nu. Faites-moi souffrir. C'est pas si dur, ce n'est pas pire que de parler pour ne rien dire. Ça m'inspire. Les chaussures, laissez-moi dormir sur des surfaces dures. Il faut que je souffre, alors allez-y. Mais je vous prie d'être mes pires ennemis. Faites-moi souffrir. Écoutez France Culture, il est 10h54 minutes passées, c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi critiquerait-on l'utilitarisme ? Il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappé personnellement dans les débats, notamment autour de la bioéthique. C'est qu'on dit parfois il y a une approche par d'un médicament, par exemple, ou d'une technique médicale par ce qu'on appelle les risques et les bénéfices. Une approche qu'on caractérise d'utilitariste. Et puis après, on dit maintenant passons à la dimension éthique. Et la dimension éthique, eh bien, on va ajouter, par exemple, des réflexions sur la dignité humaine, sur la liberté, sur le respect de la personne, et on a bien raison d'ajouter ces dimensions, mais ce qui me surprend toujours, c'est qu'on parle du calcul du risque et des bénéfices comme si ce n'était pas de l'éthique, comme si c'était au fond une dimension purement économique dans certains cas, ou purement médicale, technique disons, qui va dire par exemple l'effet de tel médicament, de telle technique, c'est embêtant, il y a par exemple un effet secondaire qui va entraîner la mort, donc on ne doit pas l'utiliser, et de fait on ne doit pas l'utiliser, mais ça ce ne serait pas encore de l'éthique. Ce serait purement et simplement de l'utilitarisme, un calcul technique qui va se prolonger en effet du côté de l'économie, du côté de ce qu'on appelle l'utilité générale aussi, comment arbitrer les dépenses de santé par exemple. Et puis tout cela, ce serait que de la technique, et puis viendrait ensuite l'éthique avec les grands principes, la dignité, la personne et le reste. Or, d'une certaine façon, il est très dangereux de faire cette opposition. L'utilitarisme est au contraire une éthique, et même une éthique très importante qui s'est construite avec la modernité depuis les sceptiques, Montaigne en particulier, dans le XVIe siècle français jusqu'au XVIIIe siècle en Angleterre, et puis au XIXe siècle encore, où le philosophe anglais John Stuart Mill a écrit son traité de l'utilitarisme. D'ailleurs, à côté d'un autre traité très important, il faut lire ces deux livres importants, le deuxième s'intitulant sur la liberté, On Liberty, ce qui montre bien que l'utilité et la liberté pour lui n'était pas forcément contradictoire. Ce qu'il faut montrer au contraire, c'est que l'utilitarisme pris au sérieux est une éthique globale de la vie, une éthique qui nous dit il n'y a rien au-delà du plaisir et de la douleur, de ce qui nous fait vivre et mourir, de l'utile et du nuisible. En général, ce sont nos boussoles et il faut le réduire en éléments de plaisir et de peine, comme dit un autre philosophe anglais, John Bentham, qui inspire aujourd'hui notamment beaucoup de philosophie de l'environnement et de la souffrance animale. Et il faut considérer tous les plaisirs et toutes les peines, les mettre en balance, et c'est cela l'éthique profonde de l'humanité. Et en effet, c'est une éthique. Calculer par risque et bénéfice pour un médicament, pour une technique médicale, ne suffit pas. Il faut aussi respecter la dignité. Mais c'est aussi un principe éthique qui déjà empêche le pire, ne pas produire la souffrance et chercher au contraire à soulager le mal. Voilà une éthique à part entière, même si elle ne suffit pas ou s'il faut l'élargir. Et voyons encore un mot du côté de Stuart Mill. Comment définit-il la liberté et surtout les limites de la liberté ? Ma liberté s'arrête là où je nuis à autrui. Ainsi, le souffrance d'autrui, la douleur d'autrui doit contredire, limiter mon utilité personnelle. Et c'est le problème de l'utilité générale. Ainsi, oui, on ne peut pas se contenter, peut-être, de l'utilitarisme, mais en tout cas, c'est une éthique. Et si on le critique, critiquons-le en le prenant au sérieux. Merci beaucoup, Frédéric. Votre chronique est à écouter sur le site de France Culture, à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Thaïs Seloi-Hammer qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Manon Delasselle, Antoine Ravon, Anaïs Isbert avec Laurence Malonda à la réalisation, à la prise de son aujourd'hui Grégory Wallon. Merci à Hélène Losseur à la lecture des textes. Si vous voulez écouter, réécouter cette émission, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philo ou sur l'application Radio France. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre semaine sur la douleur, et demain, un Montaigne de douleur ou le dolorisme dans les essais de Montaigne, vous aurez compris, et ce sera avec Dominique Branché. À demain sur France Culture.